Radio. Avec les plus grands artistes. Jean-Yves Thibaudet, Renaud Capuçon, Stéphanie Doustrac, Jérôme Pernaud, Stéphane Denève, Mico Franck, Sophie Janin. L'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le chœur et la maîtrise de Radio France. Les 15, 16 et 22 septembre. Trois dates pour l'événement musical de la rentrée. Réservation maisondelaradio.fr. Aujourd'hui, l'info s'écoute. L'info se regarde. L'info se suit. L'info se commente. L'info se partage. L'info, c'est France Info. Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr et une chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT. France Info. Deux points, ouvrez l'info. France Inter, il est 11h30. Le Flash, Dominique Delaroy. Les ministres européens de l'agriculture sont réunis en ce moment à Chambord pour réfléchir à la prochaine politique agricole commune. Mais voilà, avec la crise du lait, la coordination rurale leur reproche de mener la vie de château quand les agriculteurs sont en train de crever. L'organisation a appelé 400 paysans à un rassemblement à l'une des entrées du domaine. De son côté, la Confédération paysanne a mobilisé ses troupes devant la préfecture de Blois pour une distribution de lait. L'organisation réclame une aide directe, immédiate et non remboursable de 500 euros à l'hectare. La primaire à droite, Jean-François Copé annonce avoir obtenu les parrainages nécessaires. « Je reviens d'un long chemin », explique le député maire de Meaux. La bande des quatre, Sarkozy, Fillon, Juppé, Le Maire, n'avaient pas intérêt à voir arriver un cinquième élément, affirme-t-il dans un entretien à la Provence. « Ils espéraient que je n'ai pas mes parrainages. Je les ai. Je vais donc être candidat pour défendre la droite décomplexée », précise-t-il. Et c'est bien la guerre entre les candidats. François Fillon relance ainsi la passe d'armes avec Nicolas Sarkozy en affirmant qu'il existait avant lui et en critiquant une manière clanique de faire de la politique. Cette manière, c'est juste ridicule, déclare François Fillon. C'était ce matin sur France Info. L'ancien président avait rappelé lundi qu'il avait nommé François Fillon Premier ministre. Pierre Moscovici, pas d'accord sur l'abandon des discussions à propos du TAFTA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. François Hollande avait affirmé qu'il n'y aurait pas d'accord avant la fin du mandat de Barack Obama. Manuel Valls avait ensuite demandé un coup d'arrêt clair dans les négociations. Pierre Moscovici juge qu'il n'est pas pertinent de suspendre ces négociations. Le commissaire européen aux affaires économiques appelle au contraire à les poursuivre et à rehausser les exigences vis-à-vis de Washington. Il était dans un état critique. Le président ouzbek Islam Karimov, hospitalisé la semaine dernière, vient de mourir. Son état de santé s'était nettement dégradé ces dernières 24 heures. Ancien dirigeant du Parti communiste, Karimov était au pouvoir depuis 1989. Il présidait l'ex-République soviétique d'Asie centrale depuis son indépendance en 1991. Il avait été réélu l'an dernier pour 5 ans avec 90,4% des voix. Un problème de batterie. Le groupe sud-coréen Samsung annonce qu'il va suspendre les ventes de son smartphone Galaxy Note 7 et le remplacement de tous les appareils déjà vendus car la batterie peut exploser. Plusieurs cas ont déjà été signalés. L'appareil avait été lancé le 19 août et il s'en est déjà vendu 2,5 millions dans 10 pays. Tous les dimanches sur France Inter, à partir de midi. Question politique, le nouveau rendez-vous politique de France Inter en partenariat avec Le Monde. Nicolas Demorand. Il a quitté le gouvernement cette semaine et sera notre tout premier invité, Emmanuel Macron. Interview et toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter. Question politique. À suivre ce dimanche à partir de midi sur France Inter. Et sur la nouvelle chaîne TV d'info en continu, France Info. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. France Inter. On aime, on vous en parle. Festival du cinéma américain de Deauville jusqu'au 11 septembre. Plus de 60 films, dont 14 en compétition. Plongez au cœur du festival où l'art interroge l'homme et le cinéma interroge la vérité. Hommage aux porte-flambeaux du cinéma américain, Michael Moore, James Franco, Stanley Tucci ou Daniel Radcliffe. Deauville, le meilleur du cinéma américain pour tous. Retrouvez l'enregistrement du Masque et la Plume en public pendant le festival, demain à 16h15, depuis le théâtre du Casino Barrière Deauville. Plus d'infos sur franceinter.fr. Il est tout juste 11h05 sur France Inter. Voici la bande originale avec Nagui. Merci Dominique Delaroy, on vous retrouve tout à l'heure midi pour d'autres infos. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Daniel Morin. Oui, bonjour. Leïla. Oui, salut. Leïla qui est pas là. Albert Halgu. Bonjour. Guillermo Gouin. Oui, bonjour. Bienvenue. Richard Romain qui est au clavier. Bonjour. Et nos invités sont Yvan Le Bolloc et Bruno Solon. Ouais. La folie. C'est génial. Vous venez. Oh, elle est pas là alors. Soit elle est. Ah, écoute, là, il est bon. J'écris un petit peu hein, dans mes heures perdues. Elle est pas là. Elle est pas là. Vous mais... avez changé de co-auteur. Mais. Ah, oui. Mais Leïla bientôt. Raison, je vais prendre l'ancien. Ouais. Ça s'appelle les inconvénients du direct ou pas. L'heureux élu est une pièce que vous venez nous présenter et qui sera au théâtre de la Madeleine à partir du 15 septembre. Une nouvelle comédie d'Éric Assous qui est plutôt prolifique. Qu'est-ce qu'il y a? T'as de la madeleine et t'as une madeleine à la main. Parce que je suis en train de manger une madeleine et je me dis ça, mais ça va fuser ce matin. Ça va être vitesse. Et je le prouve en radio, c'est radiophonique le fait de manger une madeleine. On a un budget. Bon, attention. Attention. Mais d'abord, celui qui a tout compris à cette pièce de théâtre, c'est le père Albert, que je compte d'accueillir. Mon père. Merci. Bien sûr, monsieur Nagui. Alors, bonjour Bruno. Mon Dieu. Bonjour Yvan. Je me réjouis de vous voir à nouveau réunis. Ça me fait vraiment plaisir. C'était d'autant plus méritant que ça n'était pas gagné. Et je tiens à vous féliciter d'avoir l'un comme l'autre fait l'effort d'aller l'un vers l'autre et l'autre vers l'un, et réciproquement. En effet, Bruno, il y a quelques mois en arrière... C'est toujours pervers. Taisez-vous. C'est pervers. Mais pardon, mon père. Quelle perversité y a-t-il dans mon prose? En effet, il y a quelques mois en arrière, alors que tu étais venu, je parle à Bruno, nous rendre visite pour présenter La mort d'Auguste, hein, un film d'après Simenon, si je me souviens bien. Eh bien, comme je te demandais si tu avais des nouvelles de Yvan le Boloche, et si tu envisageais de jouer à nouveau avec lui, tu me répondis. Alors, je vais essayer de faire la voix de Bruno, hein. Éventuellement, Père Albert, mais... Il faudrait qu'il arrête de me saouler avec sa guitare manouche, qui s'appelle Reviens. Je n'en peux plus de ces Gypsy Kingry. Si encore il jouait du biniou, ce serait logique pour un breton. Mais rien qu'à imaginer que tous les soirs il sorte sa gratte dans sa loge, c'est au-dessus de mes forces. Quant à toi, Yvan, il y a quelques mois en arrière, alors que tu étais venu nous rendre visite ici même pour présenter ton spectacle, que j'ai vu, oui. Faut pas rester là. C'est ce que j'ai fait. Comme je te demandais si tu avais des nouvelles de Bruno et si tu envisageais de jouer à nouveau avec lui, tu me répondais. J'ai essayé de faire la voix de M. Boloche. Éventuellement, Père Albert, mais il faudrait qu'il arrête de me saouler avec sa batterie. Quand il commence avec sa grosse caisse, c'est pire que le lapin du Racel. Rien qu'à imaginer qu'il installe ses casseroles dans sa loge, c'est au-dessus de mes forces, sans parler de ces histoires de poker, de l'Ajax d'Amsterdam dont il me tamponne et du communisme. Oui, tel fut ce que vous me confessez, toi Bruno et toi Yvan. Et pourtant, vous voilà réunis dans l'heureux élu. Et j'en suis heureux, car j'ai lu le heureux élu qui devait faire des heureux parmi tous ceux qui l'auront lu. C'est amusant ça. Et vu, car comme dans tout vieux couple qui se respecte, vous avez su faire des concessions mutuelles. Toi, Yvan, en renonçant à gratter la guitare qui te démange, et toi, Bruno, en lâchant ta grosse caisse. Je commence l'émission. Donc. En effet, bref, ça veut rien dire. Si j'ai bien compris, l'heureux élu met en scène Jeff, un loser, évidemment interprété par Bruno, et Greg, un journaliste sportif complètement inculte et sans conviction, qui ne pouvait être joué que par Yvan. Deux vieux copains qui, lors d'un dîner, s'apprêtent à rencontrer Noël. Un joli prénom, ça. Alors que dans la pièce, ils disent que c'est pas un prénom à la con. Le nouveau conjoint de l'ex de Bruno, une certaine Charline. Une boule de vis. Une bête à plaisir, dotée d'une poitrine et d'une croupe moulée à la louche dans une tenue qui est un défi à la décence et qui me donne du mal à marcher. Et qui m'appelle, mes scouts m'appellent Joss Randall quand il m'envoie. Et qui en plus... Canoncier. Canoncier, bien sûr. Train d'atterrissage à moitié sorti. Scié à la base. Arrêtez, vous me faites chialer. Et qui en plus est une fétichiste de la cravate. je ne sais pas quelle nature, cravate rouge, je crois, dans la pièce. Quand, il y a la notaire, mais la rouge. Quant à Noël, c'est heureux. Je crois que c'est cravate à point noir. Ouais, si cravate à point noir. Exactement, après, c'est bien. Hommage à Beko. Comme mon slip. Quant à Noël, cet heureux élu, il est beau, il est riche. Il en a dans le string ficelle, en cuir clouté, qui m'a furieusement rappelé la bâche de ma camionnette, dont vous savez qu'elle fait aumônerie, sonore, truck food, sorte de shoot, et qui sert à l'occasion de local à l'association des fils et filles de grévistes de Radio France. Ce Noël, pour revenir à lui, a une particularité qui m'a semblé sympathique, et j'en terminerai là. Laquelle? Je ne sais plus, je ne sais pas, j'ai des instructions. Il était déjà tard. Et j'ai arrêté de lire la pièce, car j'attendais Daniel Morin et Bruno Solo pour une partie de strip poker au profit de mes bonnes œuvres. Merci, voilà. Bernard. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Et oui, il ne faut pas trop en dire. Il y a une belle surprise réservée dans cette comédie d'Éric Alsous, mise en scène par Jean-Luc Moreau, l'heureux élu, avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, David Brécourt, Mathilde Penin et Mélanie Page, qui joue donc celle qui a le croupion. Vous avez dit comment déjà, Père Albert ? La boule de vis. C'est ça. Une bête à plaisir. Qui donc, je vous le rappelle, jouée par ma femme. Merci beaucoup d'éviter ce genre de vanne. C'est vrai ? Bah oui, c'est vrai. L'heureux élu. Salaud. C'est qui ? Elle est sur la vacances, toi. Je te la présenterai. C'est laquelle ? La boule de vis, tu l'as repère vite sur la photo. Tu l'as toujours vue de dos, mais là, elle est de face sur l'affiche, je ne peux pas la reconnaître. Donc, ça, c'est fait. L'idée de cette pièce est d'avoir donc. Je ne savais pas que c'était votre épouse. Cette ex, d'ailleurs. Ah ouais, Catherine Deneuve. Qui revient avec un nouveau pote et il faut la présenter à ses amis. Et là, le problème, et c'est d'ailleurs un problème dont on va parler tout à l'heure dans l'émission, c'est comment, d'abord, on peut réagir quand on voit une ex qui revient et qu'on n'a pas vu depuis longtemps et dont vous êtes toujours secrètement amoureux. Enfin, moi, en tout cas, Solo. Mon personnage. Ouais, votre personnage, bien sûr. Non, je ne parlais pas de la conviction, mais parce que Greg, ce n'est pas le cas. Greg, il est juste mon ami et effectivement, il a le sentiment qu'il va devoir me soutenir face à cette épreuve, parce que pour moi, c'est une épreuve. Cinq ans plus tard, j'ai été incapable de l'oublier. Elle me hante toujours. Et la voir arriver avec ce type, Ça pourrait vous faire du mal. Oui, ça pourrait me faire du mal, donc il va tenter de me protéger de ce moment et en même temps d'essayer de calmer ma violence à son égard, parce que le type développe et des idées et des attitudes qui semblent aller à l'encontre de nos principes, ouais, à nous. Sauf que voilà, il faut pas que le scandale éclate, quoi. Il faut pas que la soirée tourne vinaigre, parce que le type est imprévisible. Il est surprenant. Vous dites même c'est un connard. Donc c'est vrai que la situation de dire toujours dans le cadre de mon personnage. Ouais, moi, évidemment, je ne le vois que comme un connard, un connard professionnel. Je le considère comme un psychopathe. Je le pense incapable d'être le futur époux de cette femme que j'ai aimée. Et voilà, mais il est totalement nombriliste, mon personnage, totalement centré sur lui-même. Non, mais on peut très bien imaginer ce qui se passerait, nous, dans notre vie, si on était dans cette situation, avec une ex qui revient et pour laquelle on a toujours un petit béguin, et d'un coup, on se compare au nouveau beau gosse, celui qui est l'heureux élu, parce qu'elle va se marier avec elle, elle vient les inviter au mariage. Et dans la comparaison, l'autre est toujours perdant. Voilà, c'est ça. On dit, mais alors pourquoi que pour tout le monde, il est gagnant. Qu'est-ce qu'elle lui trouvait? Et puis, c'est tellement un connard que ça sème un peu la zizanie, Yvan Le Bolloc, au sein de la bande des amis. Oui, le ton va monter d'une façon assez fulgurante. Ça devient même un moment assez assez périlleux et il y a des cascades, vous voulez dire? Il y en a une ou deux, vous verrez. Malodo, assez surprenante. Passer 55 ans, les cascades, ça devrait être remboursé par l'MGEN. Hein. La MGEN, ça existe encore. Eh oui, la mutuelle des enseignants. J'étais la Maïf. Et surtout, ça va évidemment faire sortir chez chacun d'entre nous un certain nombre, enfin, ça va faire exploser un certain nombre de, comment dirais-je, de garde-fous, parce que évidemment ça se passe chez les bobos, donc il y a un effet révélateur, on a tous évidemment en fonction de son passé, de sa formation, de son éducation, de ses turpitudes, on essaye de conserver nos grands principes, et là tout ça va se fissurer, parce que en plus moi je suis dans une situation à la con, il va me cracher à la gueule en gros, et je ne peux pas lui dire mon fait parce qu'il sait quelque chose. Chacun ses petits secrets. Parce qu'il s'est un peu mal comporté par le passé. Monsieur, dame, l'arrivée de Leila Cadeau-Bouchet. C'est elle. Non, mais il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. Mais oui, mais j'ai rien dit. Non, mais d'accord, voilà. Mais surtout, ça va être le révélateur, surtout, moi, ce que je ressens au fur et à mesure qu'on le répète, parce qu'entre un texte, lorsqu'il est écrit, et à l'aune du jeu, tout d'un coup, il y a des choses qui se révèlent. Et ce que j'ai senti, notamment hier, lors de la répétition, parce qu'elle était, c'était la première répétition extrêmement fluide qu'on a faite au niveau des placements, du texte et tout, et il y a quelque chose qui s'est mis en place où je me suis aperçu que parfois, hein, y avait des gens qui étaient ensemble depuis même longtemps, des groupes d'amis, peut-être pas pour les meilleures raisons du monde. Et tout d'un coup, il y a ça qui explose. Pourquoi ces gens-là vous parlez de, à se fréquenter entre vous et Yvan? Non, là, je parle de la pièce. Du vécu. Tu en parles plus. Non, j'essaie d'aller au bout de cette idée parce que c'est ça. Ah, ils sont pas amis, c'est vrai, c'est ça. J'essaie d'aller au bout de cette idée parce que c'est ça que révèle la pièce. Ce que révèle la pièce, non, je le mets pas. En comparaison avec ma vie ou mes fréquentations. Hein. Non, mais vraiment. Ne me cassez pas les pieds parce que je parle au bout du truc parce qu'autrement, il te gâche la pièce pas. Parle. Bon, ben écoutez, je vais dire. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est ça. C'est que tout d'un coup, cette pièce va révéler que ces gens. S'apprécie. Il y a une grande hypocrisie dans l'amitié qui les lie. Une bande de salauds. Ouais, une grande hypocrisie. Et en fait, ça met une tension dramatique dans la pièce, même si tout ça est traité avec pour de ça la comédie. C'est pour ça que j'ai parlé de révélation, de révélateur. Il y a ouais, des de révélateur. Et en fait, c'est des relations un petit peu. Voilà, qui est un peu tendu, un peu sordide, et des discussions et tout, qui vont révéler en fait la vraie nature de chacun. Et à cause d'effectivement d'un type qui, lui, pour le coup, est d'une sincérité qui est totalement à l'opposé de nos idéaux. Il rentre pas dans le code, de la bande de potes. Mais il va faire éclater et exploser nos propres codes. Ça va devenir Fight Club ensuite. Mais en tout cas, comme toutes les pièces d'Éric Assous, c'est la situation qui est drôle. C'est-à-dire que tout se base aussi sur les silences, les regards, les moments de gêne. Il y a des moments de silence qui sont même extrêmement longs. Ils nous ont demandé, Jean-Luc Moreau, d'en exploiter des fois qui. Il y a un quart d'heure de silence. Vous inquiétez, restez assis. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Quoi. Il y a des choses qui sont dites à des moments où, effectivement, plus rien n'est possible. Seul le silence est votre compagnon d'infortune. Et il paraît qu'il y a des séquences en langue des signes. N'importe quoi. Vos oreilles ont sifflé quand Absolument. Yvan Le Bolloc et Bruno Solo ont été nos invités, annoncés comme nos invités. Parce qu'immédiatement, j'ai entendu ce générique. Le générique de Caméra Café, un rendez-vous que je ne manquais pas. Hervé, le comptable syndicaliste, conviction chevillée au corps, mais assez prompt quand il s'agit de sa pomme pour retourner sa veste. Et puis il y avait Jean-Claude, le commercial, sa Xantia, sa femme, ses gosses, sa caravane. Voilà comment vous avez réussi tous les deux à faire de la machine à café l'observateur de toutes les mesquineries du monde du travail. La machine à café comme lieu de réunion de toute la hiérarchie possible d'une entreprise. C'était magique, c'était une idée simple et tellement efficace. Avec une seule caméra, avec des moyens super réduits. Ouais. D'où vient cette idée? Comment est-elle née? C'est un concours qu'on organisait à l'époque avec Bruno et Alain Capoff, le troisième homme du duo. Qui est producteur aujourd'hui de scènes de ménage, entre autres. Et il y avait une émulation entre nous. Il fallait. On voulait sortir quelque chose d'économiquement viable, c'est-à-dire. Pas cher. Pas cher qui rapporte. Non, pas cher, mais c'est pas un défaut. Hein. Mais à l'époque, on n'y pensait pas. Tu peux pas commencer à créer un programme en disant pourvu qu'il rapporte. Qu'est-ce qu'on va gagner, c'est sûr. Surtout qu'il plaise et t'espères qu'il va fédérer. C'était pas cher pour passer, comment dirais-je, auprès des chaînes et pour pouvoir. Passer de la présentation ou la comédie de présentation qu'on avait un petit peu initiée sur Canal+, à travers le plein de super ou autre, à une fiction. Et donc, voilà. Et puis, voilà, un jour, il y en a un qui a dit « Et si on mettait, si on avait affaire à un patron sourcilleux ?» En fait, c'est né d'une geste syndicale, tout ça. Hein. Si un patron sourcilleux décidait d'installer une caméra dans la machine à café pour voir ce que ses employés pense de lui, ou bien, tout simplement il suiciderait au bout de 10 minutes. Ou tout simplement essayer de prévenir une grève. qu'est-ce qui se passerait. Et voilà, c'est devenu Caméra Café. Alors, c'est une autre idée simple, Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, tout à fait réjouissante. Vous l'avez évoqué, c'est le plein de super, une émission référence culturelle pour absolument moi, vraiment. Ouais. Une façon de parler de la culture in situ. Vraiment, vous avez embarqué, par exemple, j'ai revu ça hier, Jean-Jacques Goldman chez un disquaire. Et tout d'un coup, vous mettez à parler de musique avec les objets en main. Vous les touchez, vous les montrez, vous donnez vos conseils culturels. On sort du cadre télé, tout le monde est là ensemble dans une discussion. C'est vachement bien. Ouais, moi j'adorais cette émission. Ça pourrait encore exister. Il y a rien qui nous ont piqué le concept. Hein. Pas plus tard qu'hier, on a fait une émission à la télévision présentée par Christophe Bongrand où on se baladait dans une voiture. Ouais. En même temps, l'émission va s'arrêter parce qu'on va y envoyer nos avocats, Maître Pitt et Maître Boule. Mais voilà. Maître Pitt et Maître Boule. Nos avocats redoutables qui lâchent pas le morceau. Il a cette force, Bongrand, il s'en fout. C'est vous qui avez un tel concept, il vous invite. C'est une force. Alors j'ai une seule énigme sur cette émission. Le plein de super, il y avait un gimmick qui ouvrait à chaque fois l'émission. Une flashlight à feu de merde. Qui l'a fermé. Ah, qui l'a fermé, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, écoutez. Vous nous le refaites? Comme on dit chez nous, une flashlight à feu de merde. En fait, on s'était fait piquer un au revoir qu'on faisait depuis des années dans le top 50 et ça nous avait un peu agacés, Yvan et moi. Et à force de oui, c'était allez, au revoir. Allez, au revoir. Et comme ça, une sorte de truc très très bête. Que vous m'avez piqué, puisque dans Colmier Gagne, je disais allez, au revoir. Mais c'était avant. On a été très rapidement en compétition. On a été très rapidement en compétition. Vous et nous. Parce que le jour, l'année où on a fait le plein de super, on était au 7 d'or et vous avez eu un 7 d'or pour le son. C'est vrai? Avec Pulicino et nous, Walou. Je suis désolé. Non, mais c'est normal, c'était pour Taratata, c'était les débuts de Taratata. Et le plein de super, on n'avait pas eu le 7 d'or. C'était en quelle année le plein de super exactement? C'était en 93-94. Et ce gimmick. Et ce gimmick. Et donc, un jour, on s'est dit, il faut qu'on trouve une manière de dire au revoir, qu'on peut être sorti de nulle part. Et comme lorsqu'on s'amusait, Yvan et moi, on aimait bien imiter des accents totalement stupides. Autrichien, et on a notamment inventé autrichien, scandinave, allemand. Et on s'est dit, il faudrait qu'on trouve un au revoir sorti de nulle part. Et je ne sais pas pourquoi ça n'est venu. Et comme on dit chez nous, on t'es keine für. Mais bien. Voilà. Et c'est devenu notre au revoir. Et on était sûr que personne pourrait nous le piquer. Ou alors ça se voit un peu que tu me l'as piqué celui-ci, non? Et enfin, tous les deux, c'est aussi une autre garantie, c'est celle de se dire qu'à chaque fois qu'on vous reçoit, on est heureux parce qu'on sait que ça va bien se passer. Juste un petit extrait. Comment ça? L'excellent Bruno Solo est là. Bonjour Bruno, bienvenue. Bruno! Ça c'est Albert qui crie comme ça. Mais on a envie de bien vous recevoir. Alors on dit dans le métier, ça va au-delà des bons clients. Il y a quelque chose de joyeux. C'est-à-dire qu'on a été aussi dans vos positions. Il y a pas encore si longtemps. Et on se souvient. 72. Avant l'invention du patin à roulettes. Et on se souvient tous. L'année où l'Ajax Amsterdam remporte sa première Coupe d'Europe. Voilà. On se souvient tous d'avoir passé des moments extrêmement désagréable avec des invités avec des têtes de cons. Et d'ailleurs, autant le dire, ça participe des motifs qui m'ont poussé un moment à abandonner ce métier. Parce à ce que rendre sympathique des têtes de cons, des mecs qui te chient dans les bottes, à un moment, c'est... Les avirons. C'était dur, des fois. Hein, le plein de super, le top 50, on a eu des invités, des fois, qui faisaient pas le moindre effort. Et donc, vous les réinvitiez plus? De toute façon, on les réinvitait plus. C'est pas nous, déjà, qui... Comme on s'occupait d'une émission musicale, c'était les attachés de presse qui nous imposaient certains invités. Ah. Et puis, des fois, on en réclamait, mais qui ne voulaient pas venir. Mais oui, on a eu quelques expériences assez douloureuses avec des invités qui se sont comportés de manière odieuse, arrogante, enfin épouvantable. Faudrait qu'on en parle. On va citer que les étrangers, bien entendu, parce qu'on va pas prendre de risques. On est resté quoi? Mais en France, on en a des bons aussi. Hein. Ah oui. On a des noms. On a des noms. Toute la deuxième partie de l'émission sera ça. Une longue liste de noms. Belle illustration. Restez à l'écoute. Radio Délation dans 20 minutes. Excellente radio. Évidemment, l'heureux élu. Sur France Inter, tout à l'heure, Délation au programme. On n'est pas loin aussi de cette ambiance tendue qu'il peut y avoir dans L'Heureux Élu, la pièce au Théâtre de la Madeleine qui commencera le 15 septembre. Dans pas longtemps, j'imagine que là, vous devez être aussi avoir cette espèce de tension, d'autant que on parle beaucoup des retrouvailles de ce duo que vous formez, de ce duo magique. Ça a été l'un des moteurs, d'ailleurs, de se dire, et si Solo, Le Bolloc se remettaient ensemble, ou on ne peut pas croire au hasard de la programmation. Non, non, sans doute qu'un producteur bien intentionné a eu cette idée-là. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on était sur le coup, parce que c'était quand la dernière fois que vous avez fait un truc ensemble? Au théâtre, au cinéma. Concrètement, il y a les voix du film Caméra Café, le deuxième, même si j'aurais préféré vous parler du premier, mais bon, le deuxième a existé, hein, force est de le constater. C'est la dernière fois qu'on a fait quelque chose en forme. Mais non, récemment, le film d'animation. Oui, on travaille pas ensemble. Quand on fait de la post-synchro, c'est chacun son tour, quoi. Donc là, c'est la première fois que vous rebossez ensemble. En fait, c'est pas la toute première fois qu'on est sur scène. On avait déjà fait une expérience scénique avec Yvan. On avait monté un spectacle qui s'appelait Le Combat Musical il y a quelques années, où il était avec son groupe. On en parlera tout à l'heure. Absolument. L'impro batterie. Mais officiellement, au théâtre, ça fait un moment qu'on cherchait une pièce, qu'on en parlait. Ça fait 5-6 ans qu'Yvan et moi régulièrement nous en parlions, qu'on nous a envoyé beaucoup de pièces et même des pièces d'auteurs très prestigieux. Mais ouais, parce que moi j'avais entendu de Fedo pour vous. Yvan Le Bolloc, je sais pas si c'est un Fedo, ça sera au mois de mars. Ah, ça existe toujours. Oui, ça d'accord. Sera avec Dominique Pinon et Sarah Biasini. Waouh. Ouais. C'est le fil à la patte. D'accord. Ouais, c'est ça. Si. Non, c'est pas celui-là. C'est pas du décembre. Non, c'est pas celui-là. Hôtel de libre-échange. Je sais pas, il faut que j'apprenne le titre. Ouais. C'est la base. Parce qu'il a très bien le texte, mais il a pas le titre. Je crois que c'est Fedo, mais je suis pas sûr que ça soit Richard Fedo, vérifiez, je crois que c'est le fil à la patte, hein, c'est pas une blague. Et avec Catherine Jacob aussi, ça va. Est-ce que la mise en scène de Christophe Lidon? C'est ça. Alors c'est le fil à la patte. Ah, c'est ça. Eh oui, c'est formidable. Il faut que je lis. C'est chaud. Absolument, je le lis. Merci d'accueillir comme il se doit Guillermo Guiz pour sa première. Merci. Bonjour les amis. C'est une toute première, en effet, je suis ravi. Les amis, on verra plus tard. Calme-toi, toi. La bonne ambiance qu'il a. Je suis ravi d'être là. Vraiment, je voulais vous dire merci, monsieur, de me donner ma chambre. J'ai encore un peu de mal à vous appeler Nagui, en fait. On s'est jamais croisé ou parlé avant, vraiment. J'ai reparlé pour le reste de la table ici. Je crois qu'il y a personne qui sait vraiment qui je suis. Je crois que théoriquement, j'aurais pu envoyer un pote à ma place pour faire ce billet. Personne n'a vu la différence. Comme un examen de chimie. Vous avez quand même une drôle de manière d'engager les gens, monsieur, hein, sans vouloir. Heureusement que vous n'êtes pas à la tête d'un hôpital, quoi. On a un nouveau chirurgien dans l'équipe. J'en ai rencontré de ma vie. On paraît qu'il est propre, comme tous les anciens vétérinaires. Allez, bonne opération. Vous admettez que j'appréhendais un peu ce moment. Très honnêtement, je l'appréhendais parce qu'il y a genre 100% des gens à qui j'ai discuté de mon arrivée ici qui m'ont dit « Il paraît que Nagui est pas sympa dans la vraie vie. » J'avais une telle unanimité, ça force le respect quand même. Vraiment. Moi, je leur disais, derrière, il y a sûrement une fragilité due à l'enfance ou alors au fait qu'il soit odieux. Mais il y a sûrement une explication. Et bien, en fait, à tous ceux qui ont remis votre gentillesse en question, je tiens à le dire, depuis que je le connais, Nagui a été charmant avec moi. Ce qui, admettons-le, est possiblement influencé par le fait qu'on fasse connaissance devant la France entière. Et que socialement, ça l'aurait foutu mal si vous avez lancé mon premier billet en mode, bon, alors maintenant un chroniqueur belge. Honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Allez, si vous avez besoin de pisser, c'est le moment. Allez, à vos Guillermo. Ça aurait été moche, mais j'aurais vécu avec. Parce que c'est un honneur pour moi d'intégrer l'équipe des chroniqueurs de France Inter. C'est vraiment comme devenir citoyen d'un petit pays, quoi. Je veux dire, littéralement. Et on doit être 300 000, plus ou moins, comme au Luxembourg. C'est pour ça que les contours de ce que je vais faire dans l'émission sont encore flous. Agir, c'est normal, faire une chronique le vendredi sur France Inter, c'est comme passer le dernier dans un buffet. Et à tous nos auditeurs qui avaient anticipé. Et à tous nos auditeurs qui avaient anticipé la métaphore de la partouze, qui semblait en effet coller parfaitement au profil de cette vanne. Sachez que je viens de la radio publique belge où quand tu prononces le mot partouze, t'es obligé d'aller rembourser personnellement les impôts de chacun des auditeurs. Et c'est vrai que c'est dur pour moi d'arriver le vendredi à 11h20, quoi. Il y a tant de gens qui passent avant. Là, par exemple, en francophonie, il reste deux vannes disponibles sur la démission d'Emmanuel Macron, je pense, plus ou moins, dont une et demie, plus ou moins, sur la taille de sa bite. Et moi, je suis plutôt un mec prude. D'où mon étonnement quand j'ai reçu l'appel. On m'a dit, on a besoin d'un ton un peu caustique, un peu corrosif dans l'émission. J'ai répondu, corrosif? Attendez, on parle bien de l'émission dans laquelle Pierre-Emmanuel Barré s'exprime publiquement, le plus souvent micro allumé. Au niveau de la corrosion, passer après Pierre-Emmanuel Barré, c'est comme passer après un black. Non, non, non, non. Sur non, une piste de danse. Ah, voilà, okay. Vous voyez le principe ? Ça reste raciste, mais c'est jamais grossier. Ah, il y en a du picrate dans la bande originale. Daniel Morin et Albert Algout, par exemple, s'amusent à jouer les curés pédophiles en permanence. Bon, ça limite pour moi, ça me rassure. Je me sens un peu comme à la maison. Ça a d'ailleurs beaucoup joué, je pense, que le fait que je sois belge. On m'a dit non, un belge dans l'émission, en pleine année électorale, tu vois, ça va le faire. Et ça me semble un peu intrépide comme Paris. Je crois qu'en matière de belge en France, on a atteint le point Linda Lemay. Vous savez, ce moment où l'immigration artistique commence à casser les couilles à tout le monde. Ah, notez que c'est peut-être ce petit bonus qui va donner le petit coup de boost au FN en 2017. Allez savoir. C'est pour ça que j'ai pas l'intention d'aborder des thèmes purement belgo-belge, genre Thierry Henry. Ah oui, je sais pas si vous connaissez. Mais oui. Henri qui, par parenthèse, va tout de même reverser à des œuvres de charité les 50 000 euros de salaire annuel qu'il va recevoir comme sélectionneur adjoint de notre équipe nationale. C'est classe et c'est vraiment noble de sa part. Ça me fait penser à la dernière fois où j'ai jeté 2 euros à un sans-abri. Dire sur nos comptes en banque respectifs, ça doit avoir le même genre d'impact, plus ou moins. Donc je veux pas jouer le belge de service. C'est pour ça que ça me gonfle un peu que ce soit justement Bruno Solo qui soit l'un de nos invités. Enfin, j'ai toujours bien aimé Bruno Solo, c'est pas ça, mais j'espère que tous les gens qui ont un lien avec la Belgique, fiscal ou non, seront pas programmés le vendredi. Je sens le truc arriver, je vais me taper Johnny. T'es plus en Belgique, Bruno. Ouais, non, mais voilà, il y a un lien, quoi. Moi, je sens que je vais me taper Johnny, puis après, ça va être Annie Cordy. Derrière, je vais finir avec la tripotée de djihadistes que vous allez probablement ramener dans l'émission. Cocorico, quoi, super. Et à ce propos, conseil pratique, invitez-les avant leurs attentats. J'ai pas des masses d'expérience en radio, mais c'est toujours plus rythmé quand les invités sont complets. Je voulais terminer sur une vanne conviviale. Merci encore pour l'accueil, les amis, et bonne émission à tous. Vous pouvez passer. Merci. Bravo. La bande originale. Bruno. Ben, on pourra dire, Yvan et moi, qu'on était là pour ta première chronique et j'en suis pas fier. Possible, parce que t'es très super bien. Ouais. Merci à vous. C'est gentil. Ouais. On n'est pas sûr. On verra pour vendredi prochain. Faut qu'on se parle hors antenne. Et tous ces Belges qui viennent piquer le pain des Français. Mais on n'en peut plus. Mais qui viennent piquer l'humour des Français qu'on n'avait plus. Nous parlons de l'amitié, parce que l'amitié est au centre, évidemment, de L'Heureux Élu, cette pièce au Théâtre de la Madeleine. L'amitié déjà entre Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, mais l'amitié aussi avec cet ex qui revient présenter son nouveau ou son futur marié, comment les amis vont l'accueillir. On parlera de l'amitié avec, je vais retrouver ma respiration, avec Lolita Rubens, qui signe 60 questions étonnantes sur l'amitié. C'est absolument passionnant, on en parle. Après la bande originale de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, on vous a demandé quelle musique vous écoutiez pendant 2-3 années que nous avons choisies, et pas forcément au hasard. Par exemple, en 81, Yvan Le Bolloc, écoutez. Oh, c'est moi qu'on traite de coco. C'est le chant des partisans, c'est beau d'ailleurs, hein. C'est fil à chair de poule. Par les chœurs de l'armée rouge. Je préfère cette reprise-là que Tata Yo-Yo. Ils ont repris Tata Yo-Yo, mais je trouve que c'est mieux la croyance de ça. Ouais, ouais. Le deuxième couplet est génial. Ouais, c'est vrai. Avant, c'est un peu long. Oh, Toyo, Yo-Yo. 81, vous devenez instituteur. Ouais. Alors, oui. Le lien entre écouter les chœurs de l'armée rouge, 81, l'élection de Mitterrand, vous, instituteur. Mais communiste. Racontez-nous. Fils de communiste. Il y a plein de choses. Si vous voulez qu'on parle de la... Il y avait 3 disques à la maison. Il y avait les chœurs de l'armée rouge, Jean Ferrat et la 9e de Beethoven. On a commencé comme ça. C'est plutôt un bon choix. Et sacrée soirée en perspective. Ah bah ça, pour la boum, c'est mal barré, mais bon. C'est l'hymne à la joie quand même, hein, la 9e. Hein. C'est l'hymne à la joie. Et comme quant à la... Oui, c'est vrai qu'en 81, Mitterrand, à peine élu, ouvre très grand les portes de l'éducation nationale. Et il y a un concours, et vous présentez un projet à ce concours. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et voilà, pour... comment dirais-je, j'ai fait aller 3 ans d'études après le bac, je les avais, j'ai commencé instituteur suppléant et je faisais rire les gosses et je me suis retrouvé tout de suite à Chanteloup-les-Vignes avec une trentaine de tarpoum à gérer toute ça, la journée. Ça a duré 4 ans. Les tarpoum, ouais, c'est sont les enfants, c'est ça? Oui, voilà. Ça a duré 4 ans. Quel bon souvenir en avez-vous gardé, justement? C'est le regard de ces enfants. Des choses formidables, c'est un peu le plus beau métier du monde. Ça vous fait embrasser la carrière de comédien, puisque en général, vous pouvez être. Ben oui, bien sûr. Ben, vous êtes sur une. Il faut raconter des choses, il faut les passionner. Il faut les tenir. Les estrades, c'est comme une scène. Oui, voilà. Les enfants, c'est quand même. Seulement, vous êtes 10 cm plus haut que les copains et qu'eux, ils sont assis et que... Non, Guillermo, aucune vanne là-dessus. Non, moi, je suis encore dans ma chronique. D'accord, ok. J'y repense. Vous avez une position intéressante. Ok, d'accord. C'est une fonction intéressante. Il y a une vanne qui lui vient. C'est trop dur. Une fonction intéressante. Vous avez, c'est absolument, ouais. C'est très, comment dire, c'est enrichissant, c'est grandiose comme mission d'éveiller les esprits. Donc, alors un très bon souvenir, par exemple, je vais vous dire, oui. Je viens en mini moto à l'école, je la gare sous l'escalier. Un jour, on me vole ma mini moto et les gosses voient ma mine ravagée que je me suis fait tirer ma chiotte et ils me disent en CM2, ils me disent, mais vous inquiétez pas, monsieur, on va vous la retrouver. J'ai dit, ouais, c'est mignon. Et ils me l'ont retrouvé. C'est-à-dire qu'ils ont mené une enquête. Je me suis retrouvé dans les caves de certains bâtiments de mon quartier. C'est mignon, c'est à retrouver, parce que finalement, ils en avaient tellement parlé qu'il y avait une nana qui gardait des gosses qui avait des liens de parenté avec ma classe, qui, sur son balcon, a vu les voyous rentrer la moto dans une cave. Voilà. Alors, un très, très bon souvenir. Bon, évidemment, l'autre très bon souvenir, c'est quand même d'avoir imposé une méthode pédagogique. Mais enfin, bon, là, je vais pas la développer maintenant, mais ça... travers le conte et l'imaginaire. Oui, ça, c'était le concours d'entrée, évidemment. C'était basé sur ça, c'était passé sur moi, j'ai toujours adoré raconter des histoires à mes gosses. Avant ça, mon père a adoré me raconter des histoires. Et les histoires de Monsieur Pousse, etc. Enfin, ça me passionne. 1982, Bruno Solo, lui, écoutez. Tiens, voilà du Bouddha. C'est pas vrai. C'est ce qu'il nous a dit, en tout cas. Alors quoi? Merci Albert. Pour les Belges, j'ai Charles Coco là, non? Les gens étrangers, madame. Ouais. Parce qu'on a revu de la terre, enfin du boulot. Grâce à l'armée. Parce qu'en 82, après votre bac, donc vous avez commencé à chercher à faire des castings, mais il fallait aussi faire l'armée. Bah, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'il fallait, parce qu'il fallait pas nécessairement la faire, mais enfin moi je l'ai faite en tout cas, c'est ça le problème. C'était pas encore obligatoire en 82? Si, bien sûr que c'était obligatoire, mais bon, la plupart de mes copains s'étaient fait réformer. Des lopettes. C'est vrai, avec le recul je m'en rends compte, mais sur le coup moi aussi j'avais envie de me faire réformer. Mais je suis arrivé, je me suis cru plus malin que... Et hélas, il n'y a pas que des abrutis dans l'armée. Enfin, heureusement, il n'y a pas que des abrutis. Et moi, je suis tombé sur un psychiatre qui m'a vu faire mon numéro. Si je vais à l'armée, ma maman s'en remettra jamais. Ouais. Dépression totale. J'avais pas pris de médicaments parce que j'avais déjà un petit problème avec l'idée de mettre trop de chimie dans mon corps. Et donc ça, j'ai jamais été très branché là-dessus. Donc voilà, je me suis dit, je vais pas arriver à me défoncer la gueule, mais... Voilà, j'avais le sentiment d'être suffisamment bon acteur déjà, quel prétentieux, pour flouer ce type-là, voilà. Et en fait, il m'a regardé à un moment, il me dit, vous savez, je vous écoute, monsieur Lassalle, et je me rends compte qu'en fait, le meilleur service que je pourrais vous rendre par rapport à votre maman qui craint de vous voir partir pendant un an, eh bien, c'est justement que vous coupiez ce fameux cordon et que vous la quittiez immédiatement. Et je vais vous rendre un service, on va vous envoyer à l'armée. Et donc, je suis parti à l'armée. Je suis parti. J'ai pas eu les capacités de résistance. Il faut aussi vous dire une chose, c'est que j'étais dans une période, moi, où je me cherchais un peu, et en me cherchant, je cherchais aussi au travers les autres, et puis je cherchais un petit peu partout où je pouvais trouver des solutions qui n'en étaient pas. Vous voyez un peu la position. Non, c'est bien dit en tout cas. Je ne dis pas ce que je faisais. On va rappeler le psy. Hein, voilà. Non, mais voilà. Je faisais des conneries, et je me dis, ce serait peut-être pas mal que je me recentre. Et je me suis dit, après tout, finalement, vas-y, fais l'armée. Et je suis parti à Oberhofen. Quand j'ai regardé la carte Oberhofen, j'ai commencé à remonter avec mon doigt sur une carte, et là, j'arrive en Tchécoslovaquie, et je vois Oberhofen. Et je me dis, merde, ils m'envoient sur un front avancé de l'Est. Et en fait, c'était à la frontière allemande. C'était en Alsace. C'était dans un petit village, Oberhofen. Et j'étais au 32e régiment d'artillerie nucléaire. Et j'ai gardé les missiles Pluton pendant un an. J'étais au garde à vous, devant une guérite, à garder les missiles Pluton. Et là, il faut avoir un grand imaginaire, j'aime autant vous le dire. Que vous avez développé. Que j'ai développé, parce que pendant des journées entières à être au garde à vous devant des missiles Pluton, eh ben, tu te fais bien chier. Et j'ai fini quand même premier tambour de la fanfare. Ah, quand j'ai même. Cru que j'étais mort pour le rock'n'roll. Et voilà, c'est pour ça que je voulais mettre. Tiens, voilà du Bouddha. En 1990, c'est la rencontre. Et en 90, Yvan Le Bolloc écoute. Déjà. Le problème, c'est que vous pouvez le mettre chaque année, ça, hein, jusqu'en 2016. Il t'a planté ta vanne. Pas par contre, C'est ça le problème des amis. C'est, bah, les amis connaissent trop. 1990, vous êtes Yvan dans. Vous cherchez à intégrer Télézèbre. Oui, je suis à la radio. Je travaille avec. Europe avec Jean-Luc Delarue et Olivier Doran. Et je sens que je vais pas pouvoir continuer longtemps à travailler avec avec Jean-Luc parce que il a plein de possibilités qui s'ouvrent devant lui et donc je me dis il faut que j'aille faire de la télévision, voilà. En faisant le geste, c'était oui. Il a pris le boulard. Oui, ça commençait, ouais, ça commençait à devenir difficile. D'accord. Et donc vous avez choisi Thierry Ardisson. Ouais, un mec. Bah, le seul contact que j'avais, c'était son programmateur. Le seul contact que j'avais, c'était le programmateur musical de Thierry qui m'a dit oui, je peux t'arranger un rendez-vous avec Malocena, qui était son. Michel Malocena. Michel Malocena, qui a écrit ce croquignolet bouquin qui est un chien lubrique, ce mec. Bon, on en reparlera. Ah non, je te dis, c'est un chien lubrique. Un chien lubrique. C'est un mec que j'ai engagé qui est resté une semaine, qui m'a écrit une lettre de démission en disant je suis incapable de travailler aussi bien que tu l'exiges, et ainsi de suite. Enfin, j'ai toujours la lettre, et après il fait les animateurs flingueurs ou je sais pas trop quoi. Animateur. Animateur, ouais. Et je suis dedans, et le mec. Et il t'a pas raté. Il invente des trucs, mais c'est juste un chien lubrique, voilà. Mais ça me fait du bien de le dire. Oui, oui, c'est bien. C'est bizarre parce que chien lubrique, d'habitude, c'est un compliment dans votre bouche. Ça, je comprends pas, Nagui. Bref, c'est par rapport à quand ce chien lubrique. Je te tiens en laisse, oui. Que nous avons intégré la télévision, donc je me rends. Je vois Ardisson, et puis il me fait. Ouais. Ouais. C'est pourquoi. Ouais. Alors, et je lui dis, il me dit, t'arrives trop tard. Mon émission, elle est bouclée. Qui était une émission avec un très bon concept, c'est-à-dire c'était plein de petites émissions. Oui, c'est c'était ça, un zapping. C'était une mini télé. Ouais. C'est ça, un zapping de télé. Exactement. Télézèbre. Et il me dit, reste un jeu. Je dis, ok, je prends. Il me dit, t'as un concept. Je dis, évidemment. Bien sûr. Et là, j'invente le concept sous ses yeux, avec la petite, tu sais. La goutte qui dit perle. Petite, voilà. Et je lui dis, un jeu sur la culture télévisuelle. On va poser des questions sur les génériques de télé qui nous ont, voilà. Et il dit, ouais, c'est bon, ça va s'appeler Magnétostop. Je dis, ouais, si tu veux. Ok, il est fort pour les titres. Si les gens savaient comment la télé. Il l'a déposé tout de suite, le titre. Il était déposé avant déjà. Voilà. Et puis il me dit, et puis écoute, ouais. Et on va mettre un arbitre sur une chaise de tennis. Un arbitre de tennis, on va le mettre en hauteur. On va prendre un black qui va faire des imitations. Et moi j'ai fait. Oui, d'accord. En me disant, je vais l'oublier vite. Ça. Voilà, ouais, ça, je vais l'oublier, ouais. Il vient de m'embaucher, donc je vais pas lui dire. Tu dis pas non tout de suite à un patron. Non. Et puis je reviens donc 3 semaines après, et j'avais mon idée. Donc en remontant la file des participants, enfin des figurants, je vois mon Bruno et il était en train de brancher très lourdement une nana en lui disant, vas-y, fais grincer le stylo, je vais te laisser mon 06. Et il n'y avait pas de 06 à l'époque, donc déjà tu mens. Voilà, déjà bon, 0-1. Ça. Hein, on est en 1990, des 06, ça n'existait pas. Je te laisserai mon Diderot, voilà. 5714. Voilà. Ça, c'est une blague de. De parisien. Ouais, de vieux. C'est une blague de vieux parisien. Sur Go 33, voilà, ou Alma 32-21. Blomet 66-88. Et comme on n'a plus le temps, cette même année, Bruno Solo écoutait. Tiens, voilà un connard qu'on a reçu dans le top 50. Lequel? Roland Zabal. Roland, parce qu'il y a Kurt Smith et Roland Zabal. Kurt Smith, formidable, et Roland Zabal, mais d'une arrogance épouvantable. On reçoit dans son émission, dans l'émission le top 50 à l'époque. C'est à peine s'il nous calculait. Il n'arrêtait pas d'interrompre l'émission pour demander à boire, pour demander ceci, cela. Il répondait pas aux questions. C'était des stars de l'époque. Des stars de l'époque, effectivement. Mais vraiment, Kurt Smith, adorable, et lui, Roland Zabal. D'ailleurs, après, j'ai lu des papiers. Je me suis un peu renseigné. J'ai suivi un peu sa carrière, et si sa carrière, c'est un peu arrêté, c'est à cause de ça. C'est quoi. Grâce à vous. Et non, c'est à cause de ça, à cause de son attitude. Mais il n'existe plus. Et Kurt Smith, d'ailleurs, l'a plaqué, d'ailleurs, à un moment. Exact. Mais j'écoutais Tears for Fears, ouais, je trouve que c'était un gros. Et puis j'adorais Shout, surtout. non, mais le morceau Shout. Tout tire sans fuir, c'était vachement bien. Alors nous avons demandé, oh là, tant pis pour le gobelet, nous avons demandé à Lolita Rubens de revenir, parce que vous avez déjà eu la gentillesse de venir dans cette émission, nous parler de l'amitié dans cette bande originale, puisque c'est la toile de fond de L'Heureux Élu, cette nouvelle comédie d'Éric Assous, mise en scène de Jean-Luc Moreau, pardon, je ne l'ai pas suffisamment dit, ça sera au Théâtre de la Madeleine à partir du 15 septembre prochain. Et évidemment, en plus, Bruno et Yvan étant les pires amis du monde, c'est bien de parler de l'amitié, et notamment de ce, du cœur de la pièce. Est-ce que c'est délicat pour d'accueillir un nouvel ami au sein d'une bande d'amis? C'est comme on passe, quoi, c'est un casting, c'est un jury, on est jugé, c'est un peu ce qui se passe faut dans la valider, pièce. Mais voilà. Ouais. C'est sûr qu'il faut effectivement que tout le monde s'entende bien, ou qu'en tout cas, on imagine aussi que les amis de nos amis ou les conjoints qui vont être choisis reflètent aussi la personne que l'on connaît. Et si le conjoint choisi ne correspond pas à ce qu'on connaît de la personne, ça peut aussi changer l'image que l'on avait de cette personne. C'est ce qu'on disait avec Bruno Solo, qui est l'ex, entre exactement, guillemets, de Charline dans la pièce, et qui d'un coup se dit, mais pourquoi elle m'a quitté il y a 6 ans pour un type comme lui, qui est un connard, il a tous les défauts de la terre, je le déteste. On se compare, forcément. On se compare, et puis on peut aussi, du coup, se remettre en question. C'est-à-dire, quand la personne derrière est un connard, on peut se dire que, ben, finalement, est-ce que ça veut dire que moi aussi, j'avais des points communs avec lui, ou est-ce que ça peut remettre en cause, en tout cas, ma propre identité. Elle n'aime que des cons. On peut dire aussi, est-ce que j'ai eu mauvais goût? En tout cas, c'est sûr que ça peut remettre aussi en cause qui on est, nous, dans ce l'homme cas-là. L'homme qui se remet en cause, ça arrive très, très rarement. Oui. C'est pas forcément... on va pas forcément se le dire consciemment, mais peut-être qu'en tout cas, on peut être mal à l'aise ou ne pas se sentir bien avec cette personne, et ça peut être pour ça. Il y a des tonnes de questions, il y a 60 questions en fait, qui ont été, que vous avez glanées, parce qu'il y a eu des études, des recherches qui ont été faites. Alors il y a une mise en garde du directeur de collection, à la fin du livre, en disant, et chaque fois il peut y avoir une recherche qui dit exactement le contraire qu'une autre recherche, c'est notre choix éditorial, et nous l'avons et nous l'assumons, mais j'adore en tout cas l'honnêteté de cet éditeur dans cette collection passionnante, 60 questions étonnantes, là c'est sur l'amitié, c'est chez Mardaga. Dans ces 60 questions, il y a tout, aussi bien d'ailleurs sur est-ce que l'amitié rend plus heureux, est-ce que offrir des cadeaux, dépenser de l'argent pour ses amis, est-ce que c'est un signe de bonheur ou pas, est-ce que ça change la santé ou non, enfin c'est des questions un peu dingues sur ce que peut apporter l'amitié. Et en vous lisant, je me suis rendu compte que on avait vraiment non seulement intérêt à avoir des amis, mais beaucoup d'amis, et essentiellement d'ailleurs répartis un tout petit peu partis dans le monde, parce que plus le réseau est grand, plus on est bien dans sa peau, et de claquer un maximum de cadeaux pour ses amis, parce qu'on se sent bien quand on fait des cadeaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Entre autres. Effectivement. Et la santé même joue. La santé, donc, en effet, une des raisons aussi pour lesquelles ça peut être bien d'accepter un nouvel ami dans son groupe d'amis, ça peut être parce qu'en effet, avoir des amis, c'est très bien. On vit plus longtemps, ça peut augmenter aussi le sex appeal, ce qui est pas mal. Quand on a beaucoup d'amis, on est considéré comme plus beau et plus attractif aussi socialement. En tout cas, ça, c'est lié. Donc, pour un garçon, en tout cas, une fille qui rencontre un garçon et le garçon a beaucoup d'amis, elle se dit, oula, s'il a beaucoup d'amis, c'est qu'il est facile à vivre, il est agréable. Exactement, est ça, c'est lié à d'autres. En tout cas d'autres qualités, et on peut supposer que la personne est une personne effectivement bien. Alors j'ai bien lu, pardon Leïla, j'ai bien lu donc la partouze a une valeur sociale. Non, il ah ben, y a beaucoup d'amis. Lolita fait oui de la tête. Guillermo, tu détends, tu vois, c'est ça le problème. Avec plaisir, si c'est pour les partouzes, je veux bien détendre autant qu'il faut. Dans toutes les circonstances. J'ai bien regardé et lu toutes les questions et toutes les études. Il n'y a rien sur le fait qu'un ami s'impose à un autre pour jouer au théâtre avec lui. Non. Ça n'a pas encore été étudié, mais non, peut-être qu'on peut commencer une étude approfondie sur Yvan et Bruno. Tout à fait, s'ils sont d'accord, on peut commencer à étudier ça. Au-delà de la vanne, il y a les amis dans le travail, les amis à l'extérieur, et en fait, il vaut mieux avoir des amis dans tous les secteurs professionnels, pas uniquement dans le sien, sinon ça fait petit tout à réseau. Fait. C'est vrai qu'en fait, il y a donc une des études qui montre qu'en effet, si on a des amis variés, et notamment d'horizons différents, avec des idées différentes, ça permet d'avoir plus d'opportunités professionnelles, ça permet de se sentir mieux, plus de bien-être. On sait que c'est vraiment quelque chose qui est lié à beaucoup de points positifs. Et Lolita, à partir de quel moment vous définissez l'amitié ? Ah, alors, waouh, c'est vrai, ça c'est. Bah oui, parce qu'on parle d'avoir beaucoup d'amis, alors moi je trouve ça, l'idée est superbe. La nuance entre potes, copains et amis. Sauf que ça s'entretient, ouais. L'amitié, donc ça demande du temps, ça demande de l'engagement, de même qu'une relation amoureuse. Donc je vois difficilement comment on peut avoir énormément d'amis, personnellement. Alors, bah, y a plusieurs études là-dessus. Alors, première chose sur le fait que les amis augmentent le sex appeal, par exemple, c'était une étude qui était faite en ligne sur Facebook. Donc là, il n'y a pas besoin d'entretenir trop l'amitié. Ouais. Avoir plein d'amis sur Facebook, ça suffit à faire qu'on est plus attractif. C'est pas des vrais amis, ça. Non, mais ça marche. Donc en tout cas, okay. Ça donne une bonne image. Après, ça dépend effectivement d'autres éléments. Pour d'autres choses, il peut y avoir des vraies amitiés. Dans les études, ça dépend vraiment des études. On voit que c'est assez compliqué de définir l'amitié. La plupart du temps, ça va être ce qu'on appelle des amitiés mutuelles, c'est-à-dire qu'il faut considérer que les personnes se définissent comme étant l'ami d'eux et que cette personne définisse aussi la première comme étant son amie. Oula, tu m'as perdu là. Je suis pas le seul. On va te retrouver. On va te retrouver parce qu'on va revenir sur le heureux élu de cette comédie d'Éric Assous. Est-ce que il faut présenter est-ce qu'une fille doit présenter son nouvel élu, son heureux élu à ses amis? Bah oui, en tout cas, je vois pas de raison de ne pas présenter. Bah allez voir la pièce. Venez voir la pièce, vous allez voir. Oui, je pense que là il y a intérêt à séparer en fait. Bah non, c'est-à-dire qu'on peut évoluer parce qu'en l'occurrence quand ils se sont pas vus depuis plusieurs années, elle étant aux États-Unis et revenant à j'ai Paris. J'ai pas de problème avec ça dans ma vraie vie. Elle a évolué de son côté, les amis peut-être ont évolué, enfin même sûrement. Je vois pas mes ex donc je suis au courant absolument pas de leur relation à venir. On parle du personnage Bruno, on parle du personnage. et là il peut y avoir une dissonance qui s'installe. Tout à fait. Mais ce n'est pas forcément problématique. Notamment, en y pensant pour l'émission, j'ai pensé à une des questions qui est sur le fait que nos ennemis augmentent nos compétences sociales. Donc ça peut être bien aussi de savoir montrer à des gens qu'on n'aime pas, d'arriver à se faire apprécier d'eux. Ouais. Ça peut faire... Mais là où je ne suis pas d'accord dans votre livre, c'est que vous dites en effet que les ennemis augmentent les compétences. Si on fait tout pour accepter ses ennemis et être... Par exemple, M. Mal au Sénat. Le chien lubrique. Protégez-moi de mes ennemis. Je me charge de mes ennemis. Vous avez raison, c'est pas forcément les vrais ennemis dans le sens où c'était pas les antipathies mutuelles, c'est-à-dire c'est pas des personnes qui se détestent entre elles. Il faut arriver à se faire aimer de la personne qu'on aime pas. Mais il est pas précis votre bouquin, il est pas précis, faut le refaire. Il est très précis et il est très intéressant, d'autant qu'il aborde aussi c'est ce que moi j'appelle les faux amis, ceux de Facebook et des réseaux sociaux dont on doit se méfier de plus en plus parce que c'est une source de corbeau, de médisance et de lâcheté totale parce que les gens ne mettent pas leur nom mais des pseudos. Moi je signe toujours quand je parle de vous, Nagui. Mais même, et je le fais en direct à la radio tous les jours. Aussi. Même ton compte Twitter, c'est pas toi. Mais il y a tout sur confier sa vie sexuelle ou pas à ses amis. Il y a la vraie question que tous les mecs se la posent. La confier dans quel sens? Est-ce que votre meilleur ami pourrait vous piquer votre femme? Ah oui. Voilà. Et d'ailleurs, l'étude est assez intéressante et rassurante parce que la réponse est non. Oui, en tout cas, les hormones ne poussent pas les hommes à piquer la femme de leur meilleur ami. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi toutes les questions sur est-ce que l'amitié homme-femme existe. Alors, ce qui est formidable dans le livre, c'est que de la part des hommes, non, elle n'existe pas. On veut absolument pécho l'ami. Alors que de la part des femmes, oui, bien sûr, elle existe, l'amitié femme-homme. Oui. En fait, l'amitié femme-homme existe, l'amitié homme-femme moins, dans votre étude. C'est vrai que dans cette étude, en effet, ce qui était montré, c'était que c'était plutôt les hommes qui se faisaient beaucoup d'idées sur le fait que les femmes avaient envie d'aller, notamment en rendez-vous les galants avec eux, alors que les femmes, pas forcément. J'ai adoré. C'est chez Marthe Daga. Merci d'être venue, Lolita Rubin. C'est un plaisir. Et allez voir la pièce L'heureux élu, cette pièce d'Éric Assous, où l'amitié est au centre de cette pièce. Et surtout, ça fait extrêmement rire. Et c'est ça qui fait du bien en ce moment. On a envie de se marrer, de se poêler. Et ça sera le cas avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Daniel Morin, alors là, malheureusement, oui, on va pas rire. Parce que vous qui savez tout, dites-moi pourquoi. C'est la dernière des ordures. Pourquoi je vous écoute. Voulons-nous à tout prix que nos amis aiment notre nouveau conjoint? Mais non, top, erreur, une fois de plus, vous fourvoyez monsieur Guy. Ah ouais. La vraie question, celle qui mérite d'être posée ici, est pourquoi voulons-nous à tout prix avoir des amis? Quand on a un nouveau conjoint, de quoi on a envie? On a envie de passer du temps avec, de vivre collé l'un à l'autre, avec comme ambiance sonore du Céline Dion mielleux et dégoulinant qui n'est supportable que lorsque l'amour vous rend aveugle et surtout sourd. Avoir des amis, c'est prendre le risque que ce soit ces soi-disant amis ne convoitent votre conquête et jouent de leur proximité pour l'arracher de vos bras afin de la culbuter sauvagement dans la cage d'escalier en lui susurrant à l'oreille à l'égyptienne Tu serais mieux avec moi qu'avec l'autre con. Allez, appelle-moi papa. Non. Les amis. Ça va pas. Les amis. Mais ça va pas. La tête de Leïla. Mais c'est honteux. Mais qu'est-ce qui te prend ? Mais ça va pas. Leïla, c'est vous qui m'avez soufflé ça. Mais je suis co-auteur. Les amis, c'est de la menace. Pour, toucher, pour les droits. Mais pour toucher. Les amis, c'est de la menace. Les amis, c'est des rapaces prêts à tout pour vous priver d'un bonheur qui leur échappe à eux. Les amis n'attendent qu'une chose, un faux pas de votre part, pour se glisser dans vos draps et souiller votre honneur et le jet de vos émois. Les amis, c'est utile quand on est célibataire, quand de libido pour vous il n'est pas question, et que seules les vapeurs d'alcool vous apportent l'abandon du corps et celui de l'âme. Les amis, c'est utile quand on est seul, que ceux qui sont en couple, c'est souvent l'occasion de les pouvoir, en toute confiance, discuter avec leur fiancé, et pourquoi pas, leur piquer, Nagui. Salut. Merci, Daniel Morin. Nagui, sur France Inter. Voici un peu de musique, ça nous fera pas de mal. Eagle Eye Cherry, en l'occurrence, et dans la bande originale, nos invités sont Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Ça s'appelle L'Heureux Élu et c'est au Théâtre de la Madeleine à partir du 15 septembre, avec également David Brécourt, Mathilde Penin et Mélanie Page, que j'aime. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Eagle Eye Cherry avec Say Tonight, c'est sur la bande originale que ça se passe sur Inter avec nos invités Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Je vais commencer toutes mes phrases par je n'oublierai jamais, à vous de les conclure ces phrases comme vous l'entendez. C'est un nouvel infinitif. Vous voulez pas la faire, Nagui, trop tard. Je me suis repris avant de vous moquer, je me suis repris. Non mais c'est vrai que fils de prof de français. Double. Mais la langue française est vivace, elle est vivante et la réinvente, c'est important. Elle est à l'agonie. Donc, vous concluez ces phrases comme vous l'entendez. À vous de conclure. Si vous les comprenez, hein. C'est parti. Et c'est Richard Larnac qui nous accompagne. Yvan Le Bolloc, je n'oublierai jamais mon prof de... J'aurais aimé l'avoir, celle-là. D'histoire. Pourquoi ? Histoire, Madame Loche. Non, c'est faux. Il avait les gestes à l'appui. Elle était incroyablement provocante. Sexuellement. Et puis aussi par ses propos, parce qu'elle était... on s'accordait pas. Et plusieurs fois, j'ai dû me lever de ma chaise pour dire « Madame, là, vous exagérez, vous chargez un peu la barque des travers du communisme. » Voilà. Puisque vous vouliez, dites-le, vous, Bruno Solo, je n'oublierai jamais mon prof de... Mon prof d'histoire. Mais moi, c'était extraordinaire. Je le connais, je l'ai revu, c'était très émouvant. Je l'ai revu il y a un an de cela. Il est venu me voir au théâtre, 2 ans donc, parce que c'était pour la pièce Tilt avec Sébastien Thierry. Et j'étais très, très ému parce que ça fait plusieurs années que je le citais son nom dans des émissions, parce que c'est lui qui m'a donné la vocation. Il m'a donné les clés du ciné-club du collège dans lequel j'étais. Et grâce à lui, j'ai programmé des films comme L'Ange Exterminateur, comme, voilà, c'est le premier film que je me souviens avoir programmé pour mes camarades, pour frimer un peu, pour faire genre, regardez, je connais Buñuel, mais en fait, je l'ai découvert en même temps qu'eux. Et ça a été une révélation, et c'est vraiment quelqu'un qui a compté énormément dans ma vie. Yvan Le Bolloc, je n'oublierai jamais la phrase que disait mon papa ou ma maman. Il faut marcher droit et pouvoir se regarder dans la glace tous les matins. Où il y a aussi mal au cul, mal au ventre, ça c'est ma mère. Oui, mais c'est les nanas qui sont toujours un peu en train de geindre et tout ça, mal au cul, mal au ventre. Voilà. Bruno Solo, je n'oublierai jamais mon péché mignon. Les madeleines. Je suis en train de vous faire au moment où tu me poses la question. Yvan Le Bolloc et Bruno Solo sont dans le Rosélu au théâtre de la Madeleine à partir du 15 septembre. Allez-vous marrer en voyant cette pièce. Du lundi au vendredi sur France Inter, à 12h30. Carnet de campagne au carrefour des bonnes nouvelles près de chez vous. Avec Philippe Bertrand. Les carnets en Seine-et-Marne avec aujourd'hui une ONG indispensable. Elle s'appelle Partagence. Sa mission, développer un mécénat d'entreprises solidaires au profit des victimes de catastrophes naturelles. Et puis une épicerie solidaire qui permet de vendre à prix réduit des biens alimentaires au profit des plus démunis à Saint-Fargeau-Pontiéry. Carnet de campagne, Philippe Bertrand, tout à l'heure sur France Inter, à 12h30. Moi, c'est Lucas, 26 ans, et toujours pas le permis. J'ai attaqué le code il y a des mois, mais je m'entraîne pas assez. J'avoue, parfois, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors, pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Au point d'innover avec le programme connecté Vive Optime, qui m'aide au quotidien à être en forme. MGEN a même créé une appli mobile qui me permet de compter mes pas, en attendant d'avoir le permis. Lucas a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Mystère, le nouvel album de la femme. Nous sommes la femme. Notre deuxième album s'intitule Mystère. Une clé qui vous permet de pénétrer nos fantasmes, notre folie et notre besoin d'exulter. Et où va le monde ? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels ? La femme sera en tournée dans toute la France. Et en concert au Zénith de Paris le 27 janvier. Retrouvez-nous dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Vous êtes bien sur Inter, ah il oui. est midi. Ah ouais, on est les informations, Dominique Delaroy. Les ministres européens de l'agriculture sont réunis depuis ce matin à Chambord pour réfléchir à la prochaine politique agricole commune. Les agriculteurs l'ont mauvaise en raison des aléas climatiques et de la chute des cours. L'année a été épouvantable et pour eux, une réunion de crise dans le fastueux château de Chambord, c'est une provocation, pour le moins une maladresse. On écoute Bernard Lannes, le président national de la coordination rurale, un des deux syndicats qui manifeste aux abords de Chambord. Et non, donc on l'aura dans quelques instants. Nous reviendrons sur ce dossier dans le journal de 13h. Bernard Cazeneuve, attendu ce vendredi à Calais. Le ministre de l'Intérieur a annoncé des renforts policiers, 200 policiers en plus, à une période où les attaques de camions par les migrants sont devenues quasi quotidiennes. Bernard Cazeneuve veut également la poursuite du démantèlement du camp de migrants par étapes et la création de places d'hébergement pour leur offrir une solution et désengorger Calais. Oui, mais pas suffisant, répondent les acteurs du dossier. La maire Les Républicains de Calais exigent notamment un démantèlement immédiat du camp de migrants. Nous irons à Calais dans le journal de 13h. Encore des incidents au Gabon. Deux hommes sont morts la nuit dernière dans un quartier de Libreville à la suite d'affrontements avec les forces de sécurité. Prise à partie par la communauté internationale et par l'opposition, le président Ali Bongo rejette la responsabilité des émeutes sur l'opposition et a opté pour la fermeté. Pas encore de communiqué officiel, mais selon des sources diplomatiques, le président ouzbek Islam Karimov est mort. Ce matin, le gouvernement ouzbek indiquait qu'il était dans un état critique. L'état de santé de Karimov s'est nettement dégradé ces dernières 24 heures. Le président, qui dirige l'Ouzbékistan d'une main de fer depuis plus d'un quart de siècle, a 78 ans. Il a gravi tous les échelons de l'appareil du Parti communiste à l'époque de l'URSS et a pris la tête de la République soviétique d'Ouzbékistan à l'indépendance en 1991. Il réussit à se maintenir au pouvoir et il en profite aussitôt pour éliminer tous ses opposants. Il n'a pas désigné de successeur. Pour un monde à faible émission de carbone, 30 maires de grandes villes lancent un appel aux chefs d'État du G20 qui se réunissent ce week-end à Hangzhou en Chine. Parmi ces villes, Paris, New York, Londres, Rio de Janeiro, Sydney ou Mexico. Dans une tribune parue en France sur lemonde.fr, les maires rappellent le révolutionnaire accord de Paris contre le réchauffement signé en décembre. Pourtant, ce n'est que le premier pas sur le long chemin de la réduction des émissions de CO2, seule garantie de la pérennité du climat, ajoutent les signataires. Le dernier né de Samsung, le Galaxy Note 7, a des problèmes de batterie depuis sa sortie à la mi-juillet. Des cas d'explosion ont été signalés. Le géant de la téléphonie annonce donc qu'il va suspendre les ventes de son smartphone vedette et qu'il remplacerait tous les appareils déjà achetés. Un revers sévère pour le fabricant sud-coréen Frédéric Ojardias. Samsung espérait une explosion de ses ventes, mais pas de ses téléphones. Depuis plusieurs jours, circulaient sur les réseaux sociaux des photos de nouveaux Galaxy Note complètement détruits par l'explosion de leur batterie alors qu'ils étaient en charge. 35 cas ont été répertoriés. Le géant coréen de l'électronique a confirmé qu'un défaut de batterie était bien à l'origine du problème, mais seulement 24 appareils sur 1 million sont défectueux, à chercher à rassurer le constructeur. Ce rappel à l'échelle mondiale de son modèle le plus emblématique est un dur revers pour Samsung. Rien qu'en Corée du Sud, le groupe avait réussi à vendre 400 000 appareils 10 jours seulement après sa sortie le 19 août. L'affaire est suivie de très près dans un pays où le poids économique de Samsung est si considérable que ses difficultés peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie nationale. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter. À l'US Open, il ne reste qu'une, une représentante tricolore dans le tableau féminin. Caroline Garcia s'est imposée dans la nuit face à la Tchèque Katerina Siniaková. En 16e de finale, elle aura la lourde tâche d'affronter la 4e joueuse mondiale, la Polonaise Agnieszka Radwańska. En revanche, chez les hommes, c'est fini pour Gilles Simon qui a dû s'avouer vaincu après 5 manches et autant d'heures de jeu face à l'Italien Lorenzi et pour Jérémy Chardy face au Bulgare Dimitrov. Le vendredi soir sur France Inter, j'entends les gens qui s'installent à partir de 21h. Ça s'appelle Foule Sentimentale. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Dans notre premier bain de foule sentimentale, on se baladera au cœur de la maison de la radio pour des rencontres très inattendues dans des lieux marrants. On découvrira aussi des chansons nouvelles. On parlera même de Léo Ferré et on vibrera au premier live du groupe La Femme. Foule Sentimentale, à retrouver ce soir sur France Inter à partir de 21h. Et ton grand, il fait quoi maintenant? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Le livre sur la place à Nancy, du 9 au 11 septembre. 3 jours de rencontres et de lectures avec plus de 600 auteurs présents au premier salon national de la rentrée littéraire, présidé par Philippe Claudel. Nancy fête le livre dans un cadre patrimonial unique au cœur d'une des plus belles places du monde. Et retrouvez On va déguster en public de l'Opéra National de Lorraine, vendredi 9 septembre à partir de 15h45. Renseignements sur franceinter.fr. Vous écoutez France Inter, il est midi 6 à 13h, le journal avec Bruno Duvic. Tout de suite, la bande originale avec Nagui, deuxième partie. Merci Dominique, on vous retrouve d'abord toute l'après-midi pour les informations. Mais il y aura bien sûr le journal de 13h sur Inter. C'est quoi ça? C'est générique. Non, mais c'est quoi? Il est connu, Jalaï? Ah oui, il est connu depuis 3 ans, il passe dans cette émission. Mais c'est le générique original. Absolument. Bien joué. Je te dirai qui est l'auteur, d'ailleurs. C'est vachement bien. Tu le connais. C'est la bande originale. Oui, j'en me pète. Avec Leïla Kadour-Boudali. Bonjour à tous. Daniel Morin. Albert Algou. Guillermo Guiz. Richard Dac. Et nos invités, Yvan Le Bolloc, Bruno Solo. Salam alaikum. Alaikum salam. Il y a donc cette pièce qui s'appelle L'heureux élu, où le principe est une ex, en l'occurrence du personnage de Bruno Solo, qui vient chez des amis, un peu bobo, même très bobo. Oui, ils habitent un superbe appartement. Un loft, quoi, on imagine. Dans le quartier de la Bastille. Enfin, sixième sans ascenseur, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont touché pour pas cher. Hein. C'est vrai. Et vous êtes commentateur sportif. Oui, c'est ça. Vous faites non pas des pronostics, mais des commentaires du direct, si je me souviens bien d'une pas vanne. Pas de prévision, d'une vanne, c'est ça, pas de prévision que du direct. De l'une des vannes, parce qu'il y a beaucoup de vannes, ça fuse et c'est extrêmement drôle cette pièce, L'heureux élu d'Éric Assous, encore une fois je le rappelle, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Quant à vous, Bruno Solo, votre personnage, est au chômage, mais bon, ça va, il vit bien, quoi. Il a un appartement plutôt bien placé dans Paris. C'est-à-dire que moi j'ai fait la connerie de dire au mec de Pôle emploi de combien j'avais hérité de mes parents, c'est tout juste s'il m'a pas tapé, quoi. Mais pas emprunter du fric, donner des coups. Et Avenue Foch, en voilà, même temps. En même temps, on cherche du boulot et quand il a mon adresse, il voit Avenue Foch, c'est sûr, ça fait pas vraiment pitié. Ah, il faut préciser, pour tous ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est que l'avenue Foch est l'une des avenues les plus chères de Paris. Je crois même que c'est Monopoly. Plus cher que les Champs-Élysées. Au Monopoly. Ouais, c'est vrai. Au Monopoly, c'est pas la plus chère, c'est la rue de la Paix la plus chère. Ah. Et donc, ce personnage joué par Bruno Solo voit débarquer son ex fiancé, c'était il y a 5 ans, il l'aime toujours, il a depuis rencontré d'autres femmes. On imagine, mais son esprit est hanté sans cesse par cette femme. Mais enfin, c'est un homme totalement immature, centré sur lui-même, ne croyant que lorsqu'un avion s'écrase, c'est obligatoirement sur ses pompes. Il est, il a toute la misère du monde, alors qu'a priori, il a toutes les bienfaits du monde. Quoi. Il est riche, tout va bien pour lui. Il peut même avoir un certain pouvoir de séduction, mais voilà, il se voit comme un loser. Il se plaint tout le temps. Enfin, c'est un vrai boulet, quoi. C'est le genre de type que t'as pas envie d'avoir comme copain qui reste pourtant, chez toi. Et pourtant votre ami joué par Yvan Le Bolloc va essayer de vous rassurer, vous protéger en disant bon allez, de me calmer aussi. Ton ex va venir. Parce que plus la pièce avance, plus il picole. Et plus il picole, plus ça lui donne un petit peu d'assurance. Et c'est l'audace qui donne. Vino veritas. Vino veritas, in vino violentas. Parce que oui, il est totalement irresponsable et effectivement, le personnage grec, tente sans cesse de me calmer, mais il est animé par quelque chose d'un petit peu hypocrite lui aussi, qu'on découvrira au fur et à mesure de la pièce. C'est pour ça que je dis que la pièce, elle est quand même extrêmement amère, extrêmement... Oui, mais elle est riche d'enseignements, parce qu'on se pose la question de savoir d'abord comment... est-ce qu'on se compare avec le nouvel amant de son ex, et puis est-ce qu'on a le droit de juger dans une bande d'amis l'amoureux ou l'amoureuse de l'autre? Oui, et puis, on a tous les droits, hein, mais bon, en même temps, on peut passer à côté. Et le problème, c'est que on va pas dire ce qui fait la différence, mais il y a une vraie grosse différence. Tout à l'heure, on a dit, parce que j'ai repris c'est la taille du sexe. Un mot dans le... C'est dit à un moment, très très concrètement. Elle nous le fait sentir. Oh non. Si, par ses propos, elle nous fait sentir qu'en gros, on était des mauvais coups, quoi. Et il a fait oui de la tête. Dans le texte, absolument. Elle évoque les moments merveilleux avec son nouvel amoureux. Voilà, avec cet heureux élu avec lequel elle va et elle veut se marier. Mais c'est surtout qu'elle là où son personnage est passionnant, le personnage de Charline joué par Mélanie Page, il est passionnant parce qu'en fait elle voit bien mon hypocrisie à ne pas cesser de dire que son mec c'est un con, qu'il a des idées à côté de la plaque, etc. Elle voit bien que tout ça est un prétexte pour pas avouer la vérité, c'est que je l'ai jamais rendue heureuse et dans tous les sens du terme. Et dans tout, en le retournant tout le terme dans tous les sens, tout pareil, je ne l'ai pas rendue heureuse et lui il la rend heureuse et c'est ça. Moi je me sers de ce prétexte de dire c'est un con, mais en fait le vrai problème c'est qu'il la rend heureuse et je n'ai pas su le faire. Et ça c'est difficile à avouer pour un ex. Quand une pièce est drôle comme ça, et quand les situations proposées par Éric Assous et la mise en scène de Jean-Louis Moreau, Jean-Luc Moreau prête aussi à rire et à s'amuser, est-ce que vous avez peur d'avoir l'œil qui brille et de pouvoir, tous les deux, surtout parce que vous êtes très complices, Yvan et Bruno, de rire. Le rire naît de situations extrêmement tendues. Le et rire dramatique, naît de, naît de la tragédie. Et donc, dans la mise en scène de Jean-Luc Moreau, il y a cette rigueur qui amène à des situations extrêmement tendues, où là, le moindre décalage, évidemment, peut provoquer... le rire. Et c'est pas. Vous n'avez pas peur du fou rire entre. C'est ma question. C'est-à-dire, tous les deux. Je ne regarde pas, moi, c'est ça. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Non, mais ça pourrait être le cas. On joue de dos, lui et moi. Pour être sûr de ne pas nous faire rire. Non, c'est pas ça qui m'effraie le plus. Qu'est-ce qui vous effraie là aujourd'hui? On est à peine quelques jours de la première. Ouais. Ce qui m'effraie, c'est que voilà, la fatigue, la nervosité, et puis l'usure aussi, on est tout jeune, s'accumule avant la première, donc il ne faudrait pas qu'il y ait un faux mouvement, qu'on se blesse, etc. Un claquage, quoi. Voilà, tu sais, le claquage, tu fais, oh putain, je peux pas y aller. Même bourré de médoc, je pourrais pas. Voilà, ça fait un peu plus peur. Et vous, Bruno, est-ce que c'est... Ah, moi, je fais du sport, moi, je m'entretiens. Ça se voit, comme le Kakoshim à côté de moi. Là, Je vous félicite parce que vous m'avez là bien affûté, bien en forme. Bien sûr, ouais. Mais que pour la pièce. Hein, je pesais 20 kilos de plus il y a encore 2 semaines. Vous serez Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, aux côtés de David Bricourt, Mathilde Penin et Mélanie Page, ma douce et tendre épouse. Je vous demanderai d'ailleurs de ne pas trop la tripoter parce que j'ai vu dans le texte... Alors ça, avec le Bruno. Hein. Tu vois ça avec le monsieur à droite. Hein. En fait, je me suis posé la question en lisant la pièce en me demandant si ta chère et tendre allait incarner plutôt Mélanie ou Charline. Non, c'est Charline. Et quand je me suis dit si elle incarne Charline, il y a des scènes, je pense, qui vont pas te faire plaisir. Non, mais j'y vais pas, moi. Moi, je dis à tout le monde, c'est drôle, allez-y. Mais on moi, a demandé à la sécurité de ne pas te laisser passer. De façon, tu sais, t'es interdit comme dans les casinos, les mecs sont interdits de casino. Vous laissez pas rentrer le monsieur là-bas. Non, mais je le retiendrai. Hein. Je pense qu'on va y aller ensemble, je le retiendrai. Oui, on a dit que pour la première, on y allait ensemble. Absolument, on y sera ensemble. Si vous sautez dessus, je le retire. Absolument. Voici l'humeur de Daniel Morin. Ça a l'air de faire plaisir. Ah, plaisir. Aujourd'hui, pourtant, c'est jour de fête. C'est jour de fête au Vietnam. Pas parce que nous recevons Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Quoique, je sais que nos deux invités sont très populaires en Asie. Mais c'est surtout jour de fête au Vietnam parce que c'est la fête nationale. Comment osez-vous? Oui, maréchal, bonjour. La ferme! Comment osez-vous avoir le sourire quand vous parlez du Vietnam? Bah, bien, ta comme... gueule, Morin! Après tout ce que les Viettes nous ont fait subir, vous osez parler d'eux de façon guillarette. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Morin, mais j'ai fait. Oui, j'ai fait! Ah, je tiens à le dire. J'ai fait la guerre d'Indochine. J'ai fait l'Indo. Oui, vous avez parlé une bonne centaine de fois. Et alors, Morin... contre les Viettes, contre les... S'il vous plaît, maréchal, c'est bon, on a compris. On a compris. Pour sauter comme faut du poil au nez. Bon, stop, arrêtez. Oh, les salauds. Oh, les hommes. Fait chanel. Oh, les niaquais. Ah, non. Quand je pense... On a dentier qui se décroche. Allez-y. Je pense à ce qu'ils m'ont fait subir. Non, vous n'étiez pas dans des états pareils, maréchal. Allez, j'arrête de parler de leur fête nationale, promis. En 54, Morin. Oui. En 54, moi, prisonnier, bouclé jour et nuit, à poil, dans une cage en bambou, plongé dans la gadoue, pas plus grande qu'une boîte de chaussures. Oui, on la connaît. Ou à chaussures, on dit les deux. On la connaît, votre histoire. Ouvrez la cage en bambou. Stop! Collabo. Écoutez, bon, ça va. En plus, vous êtes déjà venu hier. Et alors? Alors, faut pas trop en faire non plus. Je vous rappelle, Morin, que je peux venir tous les jours si je veux. Comment ça? J'ai signé un CDI. Ah bon? Parfaitement, ne riez pas. J'ai signé un CDI. C'est le seul ici, en tout cas. En cas de rupture de contrat, je peux vous traîner, vous et votre collègue Bazanel qui vient d'arriver. Je peux vous traîner devant un tribunal. Allez hop, au prud'homme, ou mieux encore... tribunal militaire, pour vous mettre aux arrêts, vous envoyer au bagne, casser des caillasses. Alors, calmez-vous, maréchal. Mais c'est quoi cette histoire de CDI, si tout le monde est stagiaire? Eh ben, si vous êtes tous cons, c'est pas de ma faute. Moi, mon contrat, je l'ai signé directement avec le président de Radio France, Mathieu Galette. Non, d'abord, c'est Mathieu Gallet, pas Galette. Si, c'est Galette. En français, monsieur, on prononce toutes les lettres, au nom de Dieu. Écoutez, calmez-vous, vous allez nous faire une attaque, vous êtes tout chaud. Bon, je m'en vais, mais vous arrêtez de parler de la fête nationale des Niakoui. Oui, c'est promis. Bon, alors, pour conclure, revenons une dernière fois sur cette affaire, cette affaire incroyable. L'affaire du rasage de moustache de Richard Lornac. C'est vrai ! L'affaire qu'on appelle le Moustache Gate. Une catastrophe aussi nationale que naturelle qui, comme je le pressentais hier, est aujourd'hui au cœur d'une des émissions les plus célèbres de la radiophonie francophone, Affaire Sensible. Ça le méritait bien. L'excellent Fabrice Drouet a pris possession du dossier. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une histoire qui a changé à tout jamais le paysage radiophonique de la France, génial. L'affaire de la moustache disparue. Nous sommes fin août 2016. Tout se passe bien sur France Inter, la rentrée est une réussite totale, comme d'habitude. Réussite totale jusqu'à 11h04, heure à laquelle la légende du piano Richard Lornac entre dans le studio 621. Et là, consternation, stupéfaction, effroi, horreur, la moustache du pianiste a disparu, il s'est rasé sans prévenir personne. Aussitôt, la direction de la radio provoque une réunion de crise à laquelle assistent tous les responsables de la chaîne ainsi que la ministre de la Culture, plus un prêtre. Que faire si jamais il ne la laisse pas repousser? Un Richard Lornac sans moustache, c'est la chute assurée pour France Inter. Alors l'inquiétude est à son comble. Même son épouse est rongée par le doute et la peur. L'ambiance est digne d'une veille d'apocalypse. Pourquoi ? Eh bien parce que n'oublions pas que selon les statistiques, dans les 6 mois qui suivent un rasage de moustache chez les pianistes s'ensuit irrémédiablement un changement de sexe. Ah, c'est parfait. Merci. Est-ce que cette moustache de légende reverra le jour? On ne sait pas. En tout cas, tous les jours, je vous garantis, nous observerons s'il y a ou pas un mouvement pileux sous les narines du plus grand pianiste du monde. Merci. Alors Nagui, je tenais à remercier évidemment Fabrice Drouel, Fabrice Lègle qui a assuré la réalisation, aussi Léa Salamé. Anne Hidalgo qui a participé. Absolument, Patrick Cohen. Patrick Cohen qui a participé. Ah ouais, c'est chouette. Et hier, évidemment, Laurence Bloch qui a participé. Et mais pour l'anecdote, quand je suis rentré dans le studio, j'ai vu qu'il n'avait pas de moustache et j'ai pas osé lui demander. Tu sais, comme si c'était. Comme une maladie. Ça y est, ça commence à tomber. C'est l'arrivée de l'automne, je ne sais pas. T'es un des seuls mecs à perdre les poils à l'automne arrivant. C'est fou. Le Rosélu, c'est au Théâtre de la Madeleine à partir du 15 septembre. La nouvelle comédie d'Éric Assous. C'est généralement, c'est toujours gage de drôlerie. Et de rire intelligent, parce que ça donne à réfléchir, je tiens à le rappeler aussi. Mais d'ailleurs, juste une petite parenthèse, tout à l'heure vous posiez la question pourquoi, depuis le temps qu'on ne s'était pas retrouvé avec Yvan, ça fait longtemps qu'on cherchait une pièce, on en a reçu beaucoup, on en a lu beaucoup, certaines qui étaient bonnes, d'autres moins bonnes, mais même parmi les meilleures, on sentait qu'il manquait ce petit élément qui nous plaît tant à Yvan, c'est que la comédie ne doit pas s'appuyer seulement sur des vertus, mais au contraire sur des choses un peu plus ambiguës. Et à chaque fois, surtout, c'était un prétexte à nous mettre tous les deux en scène avec des partenaires qui étaient un peu prétextes. Et ça nous gênait. On voulait vraiment retrouver cet esprit de troupe qu'on aime tant, qu'on a aimé au travers de Caméra Café, notamment. Et voilà, Éric Assous a su nous proposer cette pièce. Donc vraiment, parmi toutes celles qu'on a lues depuis 5 ans, et on en a lu un paquet, je ne vous mens pas, c'est vraiment celle qui nous a fait vibrer, qui nous a excité. Et c'est pour ça qu'on y est allé. Et si tant est que ça puisse être un gage pour les gens qui connaissent un petit peu notre style, Yvan et moi, c'est pour on ça y qu'on est. Pense. On ouais, y est. Voilà, on est vraiment dans une pièce qui ressemble à ce qu'on avait envie de faire. Bruno Solo et Yvan Le Bloch prêtent également leur voix au film d'animation Iqbal. C'était pour ça que tu les avais reçus. Absolument. D'ailleurs, Leïla, cet c'est été un très dans beau le film mag. D'animation basé sur une histoire vraie. L'enfant qui n'avait pas peur. En 2017, Yvan Le Bloch l'a appris tout à l'heure, donc il jouera dans Un fil à la patte de Georges Feydeau. Georges Feydeau, vous êtes sûr? Et vous venez de vous, Bruno, de tourner 2 épisodes de la série Deux flics sur les docks qui seront diffusés prochainement sur France 2. Mais on se pose tous la question. Et surtout la série que j'ai produite, là, qui va passer bientôt, qui s'appelle L'Accident, dont je suis extrêmement fier. 6 épisodes tirés d'un roman de Linwood Barclay sur France Télévisions à partir du mois de novembre. Parfait. Et qui est sélectionné là à La Rochelle dans au quelques festival jours. De fiction. Au meilleur festival de film. Meilleur festival de fiction. Non, mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est. Mi café, mi café. Olé, olé, olé, mi café, mi café. Il en est où ce groupe, Yvan? Eh bien, il va bien. Il va bien. Là, c'est bon quand même. Ça fait les droits en plus. J'écoute. Ça fait les droits en plus. Mais parle du positif quand même. Ça sent bien. Ça s'arrête pas pendant le théâtre, si. Non. Bien au contraire, on n'a pas pu répéter au mois de juillet parce qu'on était au Festival d'Avignon avec le nouveau spectacle. Parce que avec cette musique, avec la rumba flamenca, j'ai construit non seulement un groupe, mais aussi une histoire, des spectacles avec mon frère Frédéric Le Bloch et les frères Apergui, Davis, des auteurs de Caméra Café. On a déjà écrit deux spectacles. Le premier s'intitulait Tous les chemins mènent au Rhum. Et le second, il ne faut pas rester là. Et donc, c'est un mélange. C'est un one-man show gitan. Voilà. Donc, c'est assez bien résumé. Et on va tourner avec ce nouveau spectacle à partir de 2017. Oui, effectivement. Après le fil à la pâte ou avant. Et t'en es sûr maintenant? Ouais, j'en suis sûr. Et non, il se cherche dans son planning là. C'est ça, on sent qu'il réfléchit à son planning. Non, je voulais dire que ce groupe, cette aventure a démarré il y a 10 ans et que je n'y croyais pas aux 10 ans pour faire un bon groupe. Il y a une aventure absolument humaine, absolument incroyable avec ce groupe, parce que il faut vivre avec les gitans pour comprendre que on sera jamais plus heureux qu'aujourd'hui. En tout cas, on sent que vous parlez avec le cœur. Tony Gatliffe avait dit des propos très semblables. Ouais, exactement. Voici. J'ai même rencontré les Tziganes heureux. Tu te souviens de ce film? Le brouillon de culture de Leila Kador Oudadi pour Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Bruno Soloyer, Yvan Le Bolloc, votre brouillon de culture. Je vous sors de la promo, je vous donne un petit bol d'air. C'est notre moment culturel à tous les trois. Et on commence par un son qui m'a personnellement beaucoup touché. Et il est pour vous, Yvan. Pour moi, ça présente 33 ans de travail. J'ai travaillé, je suis rentré chez Renault le 26 avril 66. Et j'ai quitté en mars 98. C'était ma maison, c'était mon travail, c'était tout. C'était tout pour moi. C'est la voix de Mohamed Amri, un ancien salarié de l'usine Renault de Billancourt. Une usine que vous connaissez, Yvan Le Bolloc. Oui, j'ai travaillé là-bas, j'ai fait les trois vites, ouais. Il y avait une énorme... je montais des durites sur les carbus à l'époque, enfin les durites sur les carburateurs, et j'étais super fier de me retrouver le soir, parce que j'avais toujours en tête... ce titre de film, La classe ouvrière ira au paradis, et j'étais très fier par rapport à mon père, entre autres, de me retrouver le soir devant les vestiaires en tôle, avec du marocain, du turc, de l'italien, du breton, du corse, et pour moi c'était véritablement ma première entrée dans le monde des hommes. Et ça, c'était important de passer par l'usine, passer par... Ah bah oui, après, indispensable de passer par là pour savoir de quoi on parle, pour savoir ce que c'est que de passer 8 heures assis face à des moteurs qui défilent, avec au-dessus de ta tête une énorme pendule qui scande chaque minute de la journée. Il y a un bouquin qui est important là-dessus, c'est L'établi de Linhartz, qui est une forme de référence aussi dans ce genre d'expérience. Et en même temps, je pense aussi à mon père, parce qu'il voulait faire quelque chose avant la destruction, sur Billancourt, parce qu'il y a l'histoire de la classe ouvrière, une petite partie de la classe ouvrière est résumée dans ces ateliers qu'on a détruits, rasés pour faire... On a désespéré avant de les détruire. Voilà, des bâtiments luxueux avec vue sur la Seine, mais avant, c'est là que ça suait, du sang, des larmes, et puis que les grandes luttes aussi ont été organisées, les droits des travailleurs, certains ont été conservés ou gagnés à Billancourt, d'où la célèbre phrase... Il ne faut pas désespérer Billancourt. Voilà. Ben c'était important de réactiver ce souvenir. Un son pour vous, Bruno, à présent. Disons que la base de mon travail, c'est effectivement... le cul. Est-ce que vous avez un son pour vous, Bruno? Un son pour vous. Alors, inquiétez. Dites-moi. Est-ce que vous avez reconnu la voix de cette réalisatrice? Je pense que c'est Brigitte Rouen. Et c'est Brigitte Rouen, ouais, absolument. Il y a une histoire dingue avec elle. Bah, Brigitte Rouen, oui, j'adore son cinéma. Et elle a fait un film il y a quelques années qui s'appelait Post-Coitum, Animal Triste, effectivement. J'adore ça, le côté provocant et très franc de sa réponse. Bon, c'est vraiment une grande réalisatrice française. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, moi, après avoir vu plusieurs de ses films, dont Outre-mer, puis Post-Coitum, Animal Triste, je suis tombé par hasard sur un de ses scripts et j'ai eu envie de le faire. Un film qui s'appelait Chameau et que je trouvais époustouflant. Et j'en parle à mon agent. Mon agent me dit écoute, elle veut pas de toi. Je l'ai appelé, Bruno Solo. Non, ça ne m'intéresse pas. J'habite en Belgique d'ailleurs à ce moment-là. Et je croise par le plus grand des hasards Lambert Wilson, avec qui je venais de tourner sur un tournage à Bruxelles. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et il me dit, je vais tourner dans le prochain film de Brigitte Rouen. Et là, je le regarde, je fais, bah moi aussi. Il dit, ah mais elle me l'a pas dit Brigitte. J'ai dit, ben non, elle me l'a dit cet après-midi que je faisais le rôle de Julien. Mais mytho. Ah, et voilà, ouais. Mytho complet. Et je lui dis voilà, je suis vraiment ravi. Non mais moi ça me fait plaisir qu'on se retrouve aussi. Je rentre chez moi, je suis en panique. J'ai pourquoi j'ai fait ça et en même temps voilà, pourquoi j'ai fait ça. Même Yvan découvre en plus. Non, il connaît non, pas mais c'est, en fait c'est un coup de bluff. C'était quelqu'un. Ouais. Je me suis dit il va lui en parler et elle va obligatoirement réagir et en réagissant elle va m'appeler et c'est ce qui est arrivé. Elle me dit alors comme ça tu joue dans mon film, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dit, bah écoutez, quand quelqu'un a à ce point envie de jouer avec vous, vous pouvez pas ne pas le rencontrer. Oh, elle m'a entendu, elle m'a dit, viens me voir, j'ai eu le rôle. Et parce que nous sommes rencontrés, j'ai eu le rôle. Bon, la fin de l'histoire, c'est que le film s'est jamais fait. Mais peu importe. Je sais que ce moment-là, je savais que j'étais fait pour ce personnage. Et j'avais le sentiment qu'il fallait que je lui prouve et que mon désir devait être plus fort que son envie. Et c'est ce qu'elle m'a dit, d'ailleurs. C'est beau, ça. Des excuses à présenter maintenant, Daniel Morin. Il serait temps. Je suis désolé pour le producteur, le futur public du fil à la patte et les héritiers de Fedo. J'ai l'impression que le Moloch est un sacré escroc. Désolé pour tous nos auditeurs qui, en entendant tout à l'heure le choix de Bruno, se sont crus sur Radio Courtoisie. Je vous rassure, la seule légion étrangère, inter, elle est autour de la table. Désolé pour des fans de Nagui qui ont découvert qu'il n'était pas la seule star à être un salaud, Bruno. A chargé comme un fou le chanteur de Tears for Fears et à la pause, il nous a dit le plus grand mal de Benabar, de Didier Deschamps, de l'abbé Pierre, enfin, de tout ce qu'il y avait de sympa sur Terre. Merci mille fois et merde comme on dit, Yvan Le Moloch et Bruno Solo, ça sera dans une dizaine de jours, le 15 septembre exactement, l'heureux élu, comédie Eric Assous, avec sur scène David Brécourt, Mathilde Penin et Mélanie Page. Mise en scène par Jean-Luc Moreau. Exactement. Et on y sera en tout cas dès la première. Nagui tous les soirs. Pour surveiller. Il y a des chances. C'est les carnets de campagne de Philippe Bertrand. On se retrouve lundi, oui. D'ailleurs à ce micro, avec Bérénice Béjot et Stéphane De Groot qui seront nos invités. Merci Nagui, merci la bande. À lundi. Radio France présente Musique et cerveau, un cycle exceptionnel de conférences au studio 105 de la Maison de la Radio à Paris, animé par le professeur Hervé Platel de l'INSERM. Au programme du samedi 10 septembre, Musique du futur, cerveau du futur. Comment le numérique modifie les pratiques musicales? Les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à soigner le cerveau? Chercheurs et experts vous présenteront les dernières avancées et les résultats de leurs travaux. Passionnés, curieux, professionnels de la santé, de l'enseignement ou de la musique, inscrivez-vous sur musique-santé.org. Avec MGEN, Mutuelle Santé et Prévoyance, la protection sociale de 4 millions de personnes. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Nous arrivons au terme de cette semaine de rentrée en Seine-et-Marne avec tout d'abord une organisation non gouvernementale, une ONG qui est la bienvenue en ces périodes de catastrophes naturelles répétées. Elle s'appelle Partageance, partage et agence, agence de partage au profit des sinistrés. Ici, on parle exclusivement d'aide matérielle et de réponse aux premiers besoins des victimes de ces catastrophes. Partageance a été fondée en avril 2014 par notre premier invité, Claude Fréjac. Sa première intervention a eu lieu pendant de longs mois dans les Alpes-Maritimes. Ça a duré 7 mois, très exactement, après les inondations qui ont frappé ce département en octobre 2015. La prochaine mission va s'ouvrir en Seine-et-Marne. Et vous pouvez lire la présentation de cette association en détail dans les pages numériques de la vie sous la plume de notre confrère Laurent Gibowski. Une autre solidarité, plus locale, et cette fois au profit des victimes de la crise économique, est incarnée par l'association La Famisol, dont le siège est à Saint-Fargeau-Pontierry. Plusieurs centaines de personnes bénéficient des services de cette épicerie solidaire remarquable, présidée par Françoise Labbé, seconde invitée de ces carnets. France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.